monde n'est qu'un système. Un système des hommes. C'est quoi le mot dont la Bible parle? C'est quoi le mot dont les Écritures déclarent? Dieu a créé les cieux, il a créé la terre et les eaux de la mer et tout ce qui s'y trouve. Être le monde, être le monde, être le monde, être le monde. esprit à ses désirs, contraire à céder la chair. La chair aussi en a, contraire à céder l'esprit. Ils sont opposés entre eux et il ne faut pas les mélanger. Peux-tu dire que tu es la ligne en troubles œuvres des ténèbres? Quelle confusion! Félicité. s'asseoir à la première place, être acclamé par les hommes. Oui, les forces si conciliées. Ils ne prennent pas soin des brebis du Seigneur qui traînaillent dans la rue. Oui, les forces conciliées. Le pouce du Seigneur affamé. La nourriture, consisez-vous. Yeah.